Bien, bonjour, bonjour à tous de la part du Grémos. C'est notre première émission 2016, donc on en profite pour adresser nos meilleurs voeux aux auditeurs. Bonjour à Jean-Paul Benquière, camarade du Grémos, qui arrive aujourd'hui au relais de son tout nouveau titre de docteur en histoire. Et nous allons donc consacrer une deuxième émission sur... à partir des fichiers et des interventions que nous avons enregistrées lors des rencontres ouvrières organisées par le Grémos le 13 novembre, consacrées à l'immigration de la cité à de l'usine à la cité. Et nous avons choisi, en fait, après la table ronde qui a été diffusée, décortiquée la dernière fois, nous avons choisi, Jean-Paul, de revenir sur l'intervention que tu as faite avec Alban sur la grève des immigrés des ateliers du Furan. Mm-hmm. Donc on est en 1974. Oui. Voilà. Donc tu peux dire deux mots peut-être du travail que tu as fait avec Alban pour préparer l'intervention. Et puis ensuite on passera peut-être où. Peut-être un mot de nos sources, en fait. Voilà. Les sources qu'on a, c'est une archive soumise à dérogation, donc une archive préfectorale. On a aussi la presse locale. Et puis aussi, on a à notre disposition deux combats ouvriers. À l'époque, Combat ouvrier était l'organe de liaison entre l'UDCFDT et les syndicats. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans le premier de ces combats ouvriers, on a un tract commun entre la CGT et la CFDT sur la grève, sur la nécessité de l'appuyer, etc. Et dans le deuxième combat ouvrier, qui lui fait suite 15 jours plus tard, on a une position de la prise de position de Charles Weber, qui est le responsable de l'Union régionale de la métallurgie CFDT et qui suit cette grève, et qui critique à la fois la présence d'éléments gauchistes qui ne cherchent pas la victoire, on va dire, dit-il, mais en fait qui cherchent à faire monter les enchères, et d'autre part qui critiquent également la CGT pour une volonté, dit-il, de combattre avant tout les gauchistes qui interviennent dans cette grève. Donc on l'aura compris, on est dans un contexte politique et social qui, depuis 68, est assez agité. Mmh. Et en plus, dans ce fin d'hiver, cette fin d'hiver, début printemps 74, va surgir la question des élections présidentielles. Et donc il y a tout un contexte politique aussi dont on reparlera. Mais on va écouter Alban présenter le démarrage du contexte. Donc on va vous parler ici de la grève des travailleurs immigrés des ateliers du Furan. Des grèves entre 1972 et 1974. Les sources et les travaux sur le bassin stéphanois concernant cette question sont nombreuses pour les sources, beaucoup moins nombreuses pour les travaux, dans la mesure où il n'existe vraiment pas de travail universitaire et scientifique sur ces questions-là depuis les années 70. Les sources qu'on a utilisées, donc, ça va être les archives préfectorales, les rapports RG essentiellement, les archives syndicales, les tracts, etc., plus quelques entretiens qu'on a pu réaliser, du moins que Jean-Paul a réalisé directement avec les personnes qui ont travaillé dans cette entreprise. Pour aller très vite sur le contexte global, les luttes qu'on va étudier s'inscrivent complètement dans les années 68 et dans les luttes d'OS, notamment des années 70, dans lesquelles vont apparaître de plus en plus des figures d'ouvriers immigrés. Donc rien de neuf à ce niveau-là pour le bassin stéphanois. On va peut-être par contre se poser d'autres questions concernant justement l'implication des travailleurs immigrés dans le bassin stéphanois dans ces grèves. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'à partir des années 70, au niveau national, les conflits du travail qui mettent en avant les travailleurs immigrés se multiplient. Vincent en a parlé à l'instant, on va y revenir. On citera simplement cette date fameuse de Benarroya en 1972, qui a marqué vraiment la naissance ou peut-être une renaissance de la figure du travailleur immigré en France. Les principales questions qui sont mises en avant à l'époque concernent la question des papiers, notamment suite aux lois aux circulaires Marcelin Fontané de 1972, et la question du logement. Donc on se retrouve ici avec deux espaces et deux temporalités un peu différentes, l'usine et le travail d'un côté, et leur travail et la vie quotidienne. Donc, Béchir, tout à l'heure, on a bien parlé de cette question de la vie quotidienne, qui n'est pas forcément très relayée au niveau des syndicats, voire pas du tout. Et donc, ces deux questions, pour les travailleurs immigrés, sont étroitement liées et entremêlées, pas forcément pour les organisations syndicales. Dès lors, on peut parler de cet engagement pluriel pour les travailleurs immigrés, au sein d'organisations ou non, et sur des thématiques, donc le travail, le logement, qui sont plutôt schématiquement, dans les années 70, d'ordre sociopolitique et économique, et dans les années 80, qui vont plutôt basculer sur le versant socioculturel. Schématiquement, parce que finalement, on se rend compte que, quand on va dans les archives, pas forcément sur la région stéphanoise, mais au niveau national, qu'il y a eu toujours des liens entre les questions de travail, logement, etc., pour les travailleurs immigrés, et que d'autant plus avec la question palestinienne, notamment qui émerge à partir de 1972, l'attentat lors des Jeux Olympiques, il y a des liens présents avec des questions beaucoup plus, entre guillemets, communautaires. Pour ce qui est du contexte local, donc là je referme cette parenthèse, pour ce qui est du contexte local, les étrangers dans la Loire. Il y a toujours eu des étrangers dans le bassin stéphanois, en plus ou moins grand nombre, et on se pose aussi la question de la définition même de l'étranger. La personne qui venait de la Haute-Loire au début du XIXe siècle pouvait être considérée comme un étranger par les autochtones. La Loire a aussi connu différentes vagues d'immigration, plusieurs vagues d'immigration, ou plutôt d'immigration-émigration. C'est un terme que je reprends d'ailleurs d'une chère dans sa thèse, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai ce processus-là. On part d'un pays pour aller dans un autre, et il y a toujours ces liens qui restent. Donc dans la Loire, en gros, il y avait 40 000 étrangers, je schématise, 40 000 étrangers dans les années 30. On se retrouve avec 22 000 étrangers dans la Loire vers 1945. Donc il y a une baisse significative du nombre d'immigrés suite notamment à la crise économique des années 30, avec un départ massif, notamment polonais. En 1973, donc je refais un petit bond en avant, la préfecture de la Loire dénombre, donc ça pose toute la question du recensement, dénombre environ 66 000 étrangers dans la Loire, soit 9% de la population totale, et le groupe le plus important est représenté par les Algériens, qui représenteraient environ 24 000 personnes. Suivi par les Italiens, 12 000, les Portugais, 11 500, les Espagnols, environ 6 000, les Marocains, environ 5 000, les Tunisiens, environ 2 000, les Polonais, environ 2 000 à l'époque. 50% de ces étrangers sont actifs, la majorité sont masculins, hein, et la majorité de ces étrangers dans la Loire sont regroupés, presque 80%, dans le bassin stéphanois. Très peu dans la région rouennaise, encore moins dans la plaine du Forêt. Différents problèmes sont afférents aux immigrés, hein, le problème de la stabilité des travailleurs, qui est souligné dans les années 70, notamment dans une étude du CRESAL que j'ai utilisée sur ces questions. Donc, le problème de la stabilité des travailleurs, la question du turnover, etc. Le problème de la langue, le problème des qualifications, le problème du logement, hein, qui tend à créer une forme de ghettoisation dans le bassin stéphanois et notamment dans la grande ville de Saint-Étienne, et aussi les problèmes de racisme. Il y a en fait très peu de travailleurs syndiqués, et d'après les sources que j'ai pu consulter, d'une part, les renseignements généraux n'essayent pas de distinguer une population immigrée dans les syndicats, et d'autant plus que les syndicats eux-mêmes ne tiennent pas cette forme de comptabilité. Donc c'est très très difficile de repérer les immigrés dans les syndicats. Par contre, on sait qu'ils sont présents dans un certain nombre d'entreprises du bassin stéphanois, notamment les plus importantes, mais avec des différences. Donc les usines de la CFL et de Prosoloire vont connaître des différences. Il y aura beaucoup de travailleurs immigrés, notamment algériens, à l'usine du Marais, parce qu'on est dans une entreprise de manœuvre, et on travaille au chaud, etc. Alors que dans des usines comme celle de Saint-Chamond, ou de Marais, on est sur des travaux beaucoup plus qualifiés, et les immigrés sont quand même moins nombreux. Après, il y a toute une série de petites boîtes dans lesquelles il y a un nombre significatif de travailleurs immigrés. Donc, Joseph Bolivar nous a parlé de Jacquemart. On pourrait aussi citer des entreprises donc, comme les ateliers différents, on y reviendra, et des entreprises comme Socomé à la Soupape, à la Talotière-Sorbier, qui va en fait, dans le cadre des reconversions des houillères, intégrer un certain nombre de travailleurs immigrés qui travaillent aux mines et qui sont intégrés dans cette entreprise-là. D'après les recherches que j'ai pu mener sur les conflits dans le bassin stéphanois, dont j'avais dit que j'en avais recensé environ 1000, entre 62 et 82, environ 1000 conflits, personnellement, moi, je n'ai trouvé, de la part des sources que j'ai pu consulter, aucun conflit typiquement immigré. Du moins, les renseignements généraux n'essayent pas de distinguer un conflit immigré d'un autre conflit. Ce qui les intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Ils n'essayent pas de faire une étude sociologique des conflits. Donc c'est très difficile, très compliqué de pouvoir étudier cette question des luttes de travailleurs immigrés dans le bassin stéphanois. Donc il faut les repérer en filigrane, d'après ce qu'on sait, d'après les témoignages, et c'est là toute la question de recenser des témoignages, des accumulés, etc., pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus exhaustive de la question. Il y a peu de syndiqués ou de cadres syndicalistes chez les immigrés. On pourra quand même citer, bien sûr, des figures telles que Joseph Sandels, hein, qui était quand même italien, Risa Chatrafil, aussi, à la CGT, ou M. Zapata. Dans les organisations syndicales, donc, peu de cadres véritablement syndiqués, qui sont d'origine immigrée. Il faut aussi noter, dans cette période des années 70, la place importante, même si elle est encore relative au bassin stéphanois, parce qu'on a des structures particulières au niveau du travail et des traditions syndicales, etc., de la place des bolchistes et des maoïstes, sauf peut-être, on va le voir, pour l'usine du Furon. Il faut rappeler aussi qu'en 1973, donc, il y a eu cette grève de la faim des travailleurs immigrés, qui a eu des répercussions à Saint-Étienne. Hein, on en avait parlé avec Jean-Paul dans une émission radio, donc j'y reviendrai pas. Et aussi annoncer qu'à la fin de l'année 1973, il y a une journée contre le racisme qui est organisée par les confédérations syndicales CGT et CFDT, qui va avoir un certain écho dans le bassin stéphanois, notamment aux ateliers du Furon. Donc ces fameux ateliers du Furon, ils sont situés tout simplement à la place des archives départementales actuelles, hein, donc ils sont en gros à la place de la crèche qui est actuellement, donc on peut mettre une édition sur l'état du sol, sur lesquels les enfants vont. Mais en tout cas, parce que cette usine travaillait de la fonderie, des métaux lourds, etc. Et il y avait une certaine pollution, les conditions de travail étaient apparemment assez difficiles. Ils travaillent sur des aciers de moulage spécialisés dans la production en série de petites pièces pour l'industrie automobile, des constructeurs de véhicules spéciaux et des constructeurs des constructions d'engins de manutention. Il y a environ 470 salariés vers 1972 et elle appartient à un grand groupe français. Il y a une modernisation des équipements à partir des années 50 qui a été faite, mais il n'en reste pas moins qu'on reste dans une entreprise très taylorienne, avec majoritairement immigrée. Et en 1973, il y a eu une implantation sur Montbrison. Et pour l'anecdote, l'usine fermera en 1979 dans la pure indifférence. Voilà Jean-Paul, donc on vient d'entendre Alban qui a fait cet exposé à la fois général sur le contexte de l'immigration dans la région, sur le contexte, je dirais, des années 70, hein, puisque le conflit se démarre en mars 1974. Mmh. Et donc, il dit il y a beaucoup, beaucoup de conflits. Il a recensé plus de 1000 conflits, mais aucun typiquement immigré. Or, cette grève, elle va concerner essentiellement des immigrés. Il a quand même fait allusion à la grève de la fin de l'année précédente, à la question, à la bataille sur la régularisation des travailleurs immigrés. Donc, est-ce que ce conflit s'inscrit dans un contexte plus, enfin, comment dirais-je, qui peut s'expliquer par l'effet 68 ? Voilà, c'est la question que je voudrais te poser. Quel lien peut-on établir entre l'apparition de 68 aussi du phénomène gauchiste, Alban en parle souvent, et le surgissement, mais j'aurai peut-être l'occasion de dire deux ou trois mots là-dessus, de la question immigrée dans les années, au début des années 70. Alors, moi je crois que effectivement, ce qui est important et qui s'est passé en gros un an avant, c'est le conflit des sans-papiers à Saint-Étienne. Et ce conflit des sans-papiers à Saint-Étienne, il a un intérêt et une différence avec le conflit des aciéries du Furon, c'est que ce conflit des sans-papiers, il est conduit par des immigrés eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu de Lyon, on le sait maintenant par des témoignages, qui a dirigé la grève, assisté d'un comité de soutien dans lequel il y avait des gauchistes, entre guillemets, et puis la CFDT. Et donc, le conflit des aciéries du Furon, qui apparaît 9 fois plus tard, il apparaît dans une usine où la majorité des travailleurs sont des... Et la majorité des travailleurs, on va dire, qui vivent des situations de travail difficiles, sont des immigrés. D'ailleurs, cette grève sera conduite essentiellement, sera le fait essentiellement des immigrés. Les syndicats appelant les mensuels donc on va dire français, alors, français, il y a bien des immigrés qui sont français, mais appelant les mensuels à participer à la grève, mais ceux-ci y participant avec les plus grandes réserves. Du bout des lèvres. Voilà. Et alors, le contexte de 68, tu parlais des gauchistes, il y a effectivement un effet des gauchistes, parce que si on prend les deux groupes, si on prend deux des groupes maoïstes, il y a le groupe de la GP qui est intervenu à plusieurs reprises. GP, gauche prolétarienne. La gauche prolétarienne a eu des établis aux aciéries du Furon, et plusieurs, y a plusieurs de leurs militants qui se sont établis. Donc, tu rappelles ce que c'est que des établis, hein. Alors, des établis, c'est à cette époque, à partir d'une organisation qui existait avant 1968 et qui s'appelait l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, cette organisation décide qu'un certain nombre de militants vont aller travailler en usine. Il y a quelque chose d'un peu maoïste là-dedans, c'est à la fois connaître la situation dans les usines et pouvoir faire de l'agitation et de la propagande et aider à mener des combats dans les usines. Alors, cette UGCML, pendant le mouvement, après le mouvement de mai-juin 1968, éclate en plusieurs tendances. Une des tendances, la tendance principale, c'est la gauche prolétarienne, et cette gauche prolétarienne va avoir des militants qui vont s'établir dans plusieurs usines de Saint-Étienne. C'est le cas aux aciéries du Furan, c'est le cas, Alban parlait de Jacquemart tout à l'heure, c'est le cas de Jacquemart. Bon, et puis il y a une deuxième organisation plus petite qui est plutôt une organisation locale qui va s'installer entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond, et dont plusieurs militants vont s'établir à la CAFL Saint-Chamond, à Marelle, donc Marelle, Rive-de-Gier, chez Jacquemart, voilà. Dans un certain nombre d'entreprises. Et alors, est-ce que l'intervention des gauchistes peut s'expliquer par le fait qu'ils ont l'impression, outre le fait qu'ils défendent cette cause immigrée, que peut-être ils auront plus d'écho chez les immigrés que chez les ouvriers français Oui. Qui constituent le gros, comme tu l'as dit tout à l'heure, des mensuels. Alors, bien sûr, parce que à l'époque, ces maoïstes, ils ont en commun avec les immigrés la question du Vietnam. Mais on peut dire que la gauche, dans son ensemble, a cette question du Vietnam. Mais ces maoïstes, ils ont avec les immigrés en commun la question de la Palestine. Et puis, peut-être à la différence des syndicats, mais c'est peut-être pas aussi clair que ce qu'a dit Alban, mais aussi bien à Saint-Étienne qu'à Saint-Chamond, mais je crois que ça s'est passé aussi à Firminy, il y a eu des interventions diverses sur le logement des immigrés. Oui. Au niveau des foyers des immigrés, donc à Saint-Étienne, il y a le Bois Monzil, et je ne me souviens plus comment ça s'appelait à Saint-Chamond, mais il y a eu à la fois des interventions visant à mettre en évidence les conditions très difficiles de vie dans ces foyers de la Sonacotra. Et là encore, ils ont pu, dans ces domaines-là, ils ont pu rencontrer une certaine sympathie chez des immigrés qui étaient relativement peu encadrés par les syndicats. Voilà. Alors, avec sûrement des différences d'une entreprise à l'autre. Mais il y avait effectivement un espace commun entre les gauchistes. Alors, je mets toujours chaque fois qu'on en parlera, on mettra des guillemets, mais parce que c'est comme ça, en gros, c'est comme ça que Ségui les a appelés. C'est comme ça que Ségui les avait appelés, voilà. Bien. Gauchiste, casseur. On va, on reprendra peut-être sur ce thème après avoir entendu la suite, mais on va faire une petite pause musicale. Et justement, tu as parlé de la décolonisation, enfin, tu as parlé de la question palestinienne, tu as parlé du Vietnam. Donc, faut rappeler qu'on est dans un contexte de décolonisation. Or, dans la soirée du 12 novembre, on a entendu Manuel Mendes, chanteur d'origine portugaise, qui a bien montré comment la décolonisation avait pesé aussi sur l'exode des ouvriers portugais vers la France. On va lui donner la parole. Alors on va changer d'instrument, on va prendre cette bonne vieille guitare de Coimbra, une guitare à 12 cordes. Origine certainement anglaise, le sistre anglais. Et puis ça s'est perdu au cours du temps et elle est revenue au 19e siècle, aux alentours des années 45, pour accompagner un chant qu'on appelait fado. Donc là on va faire une balade dans le travail que j'ai fait donc sur le fado de Coimbra. Je ne suis pas le guitariste du CD, rassurez-vous. C'est le dernier guitariste d'Amalia Rodriguez qui m'a fait l'honneur et le plaisir de faire ce CD avec moi. Et donc c'est lui et ses musiciens qui jouent dans ce CD. Et donc Balada de Estudante, c'est un des fados de Coimbra. Donc les étudiants de l'université de Coimbra étaient très impliqués justement dans les mouvements politiques du pays. Donc à partir des années 45 déjà, ça a commencé à bouger, et jusqu'au deuil académique donc en 1968 et sa mise en place en 69. Et donc Cap Negre, Rosa Negre, ils évoquent un petit peu leur tenue universitaire qui est constituée d'une cape noire, et ils disent que cette cape noire fait penser aussi à une rose noire, qui n'a pas de rosier finalement, qui n'a pas de racine. Et ils demandent l'étudiant qu'elle s'ouvre au vent comme le drapeau de la liberté va s'ouvrir. Donc ouvre-toi sur mes épaules aussi et tourne le dos à la nostalgie. Viras costas a saudade, ce mot, donc le spleen, la nostalgie. Bandeira de liberdade, drapeau de la liberté. Et je suis libre comme les oiseaux et je passe ma vie à chanter. Et un cœur, une voix qui n'est libre ne pourra jamais être emprisonné. Capa negra, rosa negra, rosa negra sem roseira. Capa negra, rosa negra, rosa negra sem roseira. Abre-te, vem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Capa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Coração que nasceu livre não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Donc Manuel Mendes qui chantait Capa Negra, Rosa Negra. Nous sommes avec l'équipe du Grémos, avec Jean-Paul Benthière qui nous commente un petit peu l'intervention qu'il a faite avec Alban sur la grève des émigrés des ateliers du Furan en 1974. On va écouter tout de suite l'exposé, la suite de l'exposé d'Alban et ensuite ton intervention, Jean-Paul, sur ce conflit de mars à juin 1974. Le syndicalisme aux ateliers du Furan est à la fois ambigu et minoritaire. Ambigu dans la mesure où, Jean-Paul y reviendra, on se rend compte que le syndicat CGT, qui est le premier syndicat au début de la période, a un rôle un petit peu à part. Et l'USTM, accuse dans un de ses... L'USTM, donc l'Union des syndicats des travailleurs sur métaux de la région stéphanoise, accuse cette, la section syndicale des ateliers du Furan de se replier sur elle-même. Il y a environ 62 adhérents, donc ce qui est très peu quand même, sur 500 salariés, en 1974, et après le conflit, en 1975, seulement 30. La CGT est majoritaire jusqu'en 1972, avec environ 70 à 80% des voix dans les collèges ouvriers au CE, donc au comité d'établissement, et elle devient minoritaire par la suite. Elle passe de 47 à 30% entre 1974 et 1975, donc après la grève. La CGT est donc minoritaire au départ, et après 1974, ça va être le syndicat principal. Donc les effets de la grève vont être significatifs au niveau des, de la réorganisation, du réavancement des organisations syndicales dans l'entreprise. Pour tracer vite fait les mouvements de grève qui viennent dans l'entreprise, on entend très peu parler jusqu'au début des années 70. J'ai quelques indications ici et là, mais très fragmentaires. Une première grève véritablement apparaît en 1970, en décembre 70. Et elle est le fait des travailleurs professionnels, des ouvriers régleurs, qui sont environ une trentaine, donc majoritairement français, pour des augmentations, etc. Il y a un conflit ouvert qui va s'ouvrir avec la CGT et la CFTT, entre la CGT et la CFTT à partir de juin 71. La section CFTT va faire des débrayages pour contrer une action jugée néfaste de la CGT au sein de l'entreprise. Selon les renseignements généraux, ce regain d'activité de la CFTT dans l'entreprise coïnciderait avec la présence d'un militant maoïste de l'ex-gauche prolétarienne et d'un ouvrier espagnol. Donc il y a quand même quelques liens avec des ouvriers immigrés dans l'entreprise. Cet ouvrier espagnol qui est entré en France en 71 et qui est employé en tant que mouleur. Il a attiré l'attention de son entreprise qui en a informé les renseignements généraux à l'époque. Il y a donc une petite grève qui se passe à ce moment-là, mais elle est très rapide et très succincte et finalement ne fait pas couler beaucoup d'encre. On n'a plus rien jusqu'en 1972, donc nos informations sont encore très fragmentaires, il doit bien se passer des choses, des discussions comme ça, mais d'après nos sources, on ne sait rien. Donc plus rien jusqu'en 1972, et à partir de cette date, il y a un regain d'activité encore des militants gauchistes et surtout donc maoïstes, hein, parce que les gauchistes à l'époque, on était aussi bien les trotskistes, le but ouvrier de la Ligue communiste, que les maoïstes, etc. Donc c'est surtout des maoïstes qui sont présents dans l'entreprise, et ils vont commencer à produire un certain nombre de tracts traduits en arabe, ce qui peut permettre aussi de constater des liens avec des travailleurs immigrés qui pourraient permettre de traduire des tracts, et vont appeler à des débrayages, à casser du patron, etc., dans la mesure où ils estiment que, bon, là on est dans les revendications typiques des années 70 quant au grève d'OS, que les conditions de travail, le travail à la chaîne, etc., est néfaste, et qu'il faut le combattre. Donc il y a toute une série de tracts sur lesquels je ne reviendrai pas. Mars 73, on repart sur quelques indications dans nos sources, toujours à partir de tracts syndicaux, par contre, cette fois-ci, émanant de la CGT et relatif aux élections législatives, et la direction, qui est une direction de combat, le directeur de l'entreprise, c'est M. M, qui a été le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du bassin stéphanois. Et c'est un patron, quand même, qui est très à cheval sur ses principes et qui veut avoir la mainmise sur son entreprise. Et donc, va faire en sorte que les délégués ne puissent pas s'exprimer puisqu'ils estiment que ce sont des revendications politiques et qu'elles n'ont pas lieu d'être dans l'entreprise. Donc les maoïstes vont commencer à reprendre du terrain, critiquer les syndicats et vont continuer à produire un certain nombre de tracts. Donc on va se rendre compte qu'à la grève de la veille de la grève qu'on va étudier, les travailleurs immigrés du Furan, s'ils ne sont pas organisés effectivement dans la durée et dans des organisations stables, syndicales ou autres, sont sensibilisés sur des thématiques liées au travail depuis plusieurs mois, sinon depuis plusieurs années, notamment par l'intermédiaire des maoïstes. Cependant, il ne semble pas y avoir d'engagement spécifique des immigrés dans des engagements du moins structurés. Aucun embryon d'organisation connu dans nos sources. Donc on peut se demander si la guerre de 1974 va apporter une nouveauté à cet état de fait. Bien. Alors, juste avant de parler du conflit, je reviens sur un mot qui a été employé ce matin, c'est la question de l'autonomisation. Allemand a fait référence à la grève de la fin des travailleurs immigrés à Saint-Étienne en 1973, qui est très largement un conflit autonome. un conflit autonome soutenu par un comité de soutien dans lequel il y avait évidemment les gauchistes, il y avait la CFDT, un certain nombre d'organisations, mais c'est un conflit principalement autonome. Alors que dans cette affaire-là dont on va parler maintenant, les immigrés n'existent pas en tant que groupe autonome, même s'ils vont trouver, ils ont trouvé dans les maoïstes un soutien, et même s'ils vont trouver un soutien avec la CFDT. Alors, le conflit démarre le 16 mai 1974, et démarre après la diffusion d'un tract signé d'un comité ouvrier. D'après les renseignements généraux, il a été diffusé par les maoïstes, et un ouvrier maoïste de l'usine essaye, après la diffusion de ce tract, de lancer un arrêt du travail. Il est immédiatement mis à pied pour 3 jours pour cette tentative d'arrêt du travail. On est avisé par son contremaître, ça se traduit par une bousculade et ça se traduit par un licenciement. Et le soir même, à partir du travail d'un autre ouvrier maoïste, alors est-ce que ce sont des ouvriers maoïstes et ce que disent les RG, ou est-ce que ce sont des établis, on n'a pas de source là-dessus qui nous permet de le voir, mais toujours est-il que sur la base du travail d'un autre ouvrier maoïste, le soir même de ce licenciement, c'est-à-dire le 16 mai, un conflit démarre, les ouvriers immigrés se mettent en grève, et le lendemain matin, à l'initiative d'un troisième ouvrier maoïste qui avait été licencié de cette usine, c'est cette personne qui vient organiser un piquet de grève le 17 mai et un piquet de grève qui regroupe essentiellement des travailleurs immigrés. Et les RG notent que cette grève démarre, en fait, contre l'avis des syndicats CGT et CFDT. Les revendications mises en avant dans les tracts et sur lesquels les ouvriers se sont mis en grève, c'était une revendication d'un salaire minimum brut de 1500 francs par mois. Au passage, puisqu'on parlait de 73, ça soit un an avant, c'est la revendication qui est au départ de la grève chez Peugeot en 1973. La revendication d'un salaire minimum, voilà. Les syndicats sortent un tract commun le 22 mai. Dans ce tract commun, ils attaquent la direction et les maoïstes, ou ils disent les gauchistes, qui refusent la négociation. Et eux, ils défendent la réintégration d'ouvriers licenciés et puis un retour aux 40 heures et un salaire minimum de 1300 francs par mois. Mais pendant une semaine, en fait, les syndicats ne peuvent pas prendre la parole devant l'Assemblée Générale des Grévistes. Alors, le 29 mai, il y a un nouveau tract syndical qui dénonce la direction et qui appelle les mensuels à se joindre à la grève. C'est bien perdu, parce que la direction refuse de négocier. Pour elle, il est hors de question de réintégrer l'ouvrier licencié. Elle prétend ne commencer les négociations qu'une fois le conflit terminé. Alors, à ce moment-là, d'après les RG, sous l'influence de la CFDT, et en particulier de quelqu'un qui s'appelle Charles Weber et qui est le représentant dans la Loire de l'Union régionale des métaux CFDT. Il va y avoir des négociations qui vont s'ouvrir à l'inspection du travail. Ces négociations échouent. Le 12 juin, des bagarres, alors il y en avait déjà eu, mais le 12 juin, il y a de nouvelles bagarres qui opposent le piquet de grève à des ouvriers qui veulent reprendre le travail. Et le 19 juin, Donc du temps s'est passé, là ça fait plus d'un mois que la grève dure. Le 19 juin, le directeur du travail, qui s'appelle Monsieur Mahinck, convoque une commission de conciliation. Alors une commission de conciliation, c'était quelque chose qui existait dans certaines grèves, où le directeur du travail essayait de rassembler les représentants syndicaux et les délégués des personnels en grève. Et donc séance avec la direction, bien sûr. Cette séance de conciliation se déroule alors qu'il y a des bagarres à des sorties de plusieurs usines entre les militants CGT et les gauchistes qui distribuent des tracts de soutien à la grève et qui font des collectes pour la solidarité avec les travailleurs, donc des aciéries du Furon. Il faut attendre le 25 juin pour que le protocole d'accord soit soumis au personnel. Mais ça se passe dans une ambiance, là encore, extrêmement conflictuelle, parce que les gauchistes s'opposent à ce qu'il y ait une assemblée générale qui organise un vote sur ce protocole d'accord, et d'autre part, ce vote se passe en présence d'une trentaine de délégués CGT venus d'autres usines, et donc à nouveau des violences entre gauchistes, pour aller vite, et militants CGT. Un militant CGT est blessé à la tête. Une partie de l'argent de la solidarité est dérobée dans un certain temps, ce qui fait que ça permet à la CGT d'attaquer les gauchistes qui prétendent défendre la solidarité avec les travailleurs et qui, en fait, ne rendent pas aux travailleurs cet argent de la solidarité. Toujours est-il que ce protocole d'accord est voté. Il est voté par 272 voix contre 23. Il comporte la baisse du temps de travail d'une heure et un salaire brut minimum mensuel de 1300 francs par mois. Alors, pour Charles Weber, donc, que effectivement j'ai rencontré en entretien, j'ai eu un entretien avec lui, toutes les négociations, toutes les revendications des travailleurs ne sont pas satisfaites, mais pour lui c'était temps de s'arrêter parce que donc il y avait ce climat de violence qui était très fort entre CGT et gauchistes, et d'autre part, un certain nombre d'ouvriers immigrés s'étaient fait embaucher dans des entreprises d'intérim parce qu'ils avaient besoin d'envoyer de l'argent à leur famille, et d'autre part encore, un certain nombre d'entre eux étaient rentrés chez eux. Donc on risquait, dit Charles Weber, un écroulement de cette grève. Voilà. Alors, la reprise du travail s'effectue le 26 juin. Le militant CGT blessé a porté plainte contre les gauchistes. Et ces gauchistes sont traités de fascistes dans un tract diffusé par la cellule du PCF de Crozes-Loire, le Marais. Alors, ce qu'il y a de curieux dans cette affaire, c'est qu'en même temps que cette affaire se termine, Le journal de la CFDT qui s'appelle Combat ouvrier, enfin l'organe de liaison entre l'UDCFDT et les syndicats, le numéro de juin, comporte deux textes tout à fait contradictoires. Un texte commun entre CGT, signé de la CGT et de la CFDT, qui est un texte très anti-gauchiste, que à la limite, on pourrait dire qu'il a été composé par la CGT. Et à côté de ce texte-là, il y a une note interne, donc écrite par Charles Weber, la personne dont le militant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit, qui met ça en note interne réservée à l'organisation, réservée aux membres de l'organisation, dans lequel il explique que la conduite de cette grève a été extrêmement difficile pour lui. Alors, bien sûr, à cause des gauchistes, dit-il, qui ne voulaient pas négocier, et alors, en particulier, pour lui, une des choses qui a été plus difficile, c'est que dans ces gauchistes, il y avait des délégués CFDT. Parmi les gauchistes, il y avait des délégués CFDT d'autres usines. Et en particulier, un qui, paraît-il, lui a amené une vie impossible. Voilà. Alors, donc, cette grève a été, la conduite a été rendue très difficile, à la fois par, par les gauchistes, mais aussi par la volonté de la CGT, en fait, j'ai envie de dire, de casser du gauchiste, en l'occurrence. Voilà, avant d'entendre Jean-Paul revenir sur cette grève et les conclusions qu'on peut en tirer, un certain nombre de questions que j'aimerais lui poser, une petite pause musicale, on revient à écouter Manuel Mendes pour une deuxième chanson en portugais. Si les premiers chants étaient un petit peu des chants plus lents, la tristesse portugaise, c'est un peu comme au Brésil, on peut y mettre du rythme. La chanson qui suit s'appelle Lá no Chepangara. Chepangara, c'est une province du Mozambique. Et là-bas, dans cette province, il y a des mineurs. Donc il y a les blancs et il y a les noirs. Jusque-là, tout va presque bien. Mais quand l'enfant noir naît, eh bien, on ne va pas lui donner grand-chose parce qu'on va voir s'il va résister, s'il va mourir ou pas. S'il résiste, eh bien, on l'installe avec sa mère sur une paillote, on lui donne un petit peu à manger. Puis quand il devient adolescent, eh bien, il va voir le blanc et il va tendre la main pour qu'on lui donne à manger. Alors le blanc, il lui donne plutôt un coup sur la tête et il le renvoie. Et puis quand ce noir commence à avoir l'âge d'aller travailler à la mine, à ce moment-là, on le baptise et on lui donne du pain. Et puis, quand il est épuisé et qu'il se fait vieux, on lui donne du marc, de l'eau de vie, pour qu'il meure plus vite, puisqu'il ne sert plus à rien. Alors la langue portugaise, c'est une langue très très facile. Je vous propose de l'apprendre. Aujourd'hui, là, en 10 secondes, 10 secondes chrono. Ça fait ti tu ti de di de ti di di di tu ti ti tu ti tu ti de ti di di di tu ti ti tu ti tu ti de ti di di di de di ti tu ti tu ti de ti di di di tu ti. Et maintenant à vous. On fait plus que l'accompagnement. 3, 4, ti tu ti, ti du di du di, ti tu, ti du di du di. Voilà, comme ça l'histoire est vachement plus drôle. Bien sûr, c'est un texte qu'a écrit José Afonso, donc ce grand poète qui m'est très cher, et c'est du second degré évidemment. Lá no Chepangara vai nascer menino, dentro da palhota tem o seu destino, dentro da palhota tem o seu destino. Lá no Chepangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Ti-tu-ti-ri, ti-ri-ri-ri-ri-ri, ti-tu-ti-ri, ti-ri-ri-ri-ri. Há de ter nome lá para o fim do ano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se tiver já corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Ti-tu-ti-ni, ti-ni-ni-ni-ni-ni. Ti-tu-ti-ni, ti-ni-ni-ni-ni-ni. Se tiver beco, corta-se a navalha. Tire-se uma tripa, faça uma mortalha. Tire-se uma tripa, faça uma mortalha. Pretinho da raça, sempre desconfia. Se um musuco passa, diz muito bom dia. Se um musuco passa, diz muito bom dia. Ti tu ti nu ni ti ni ni ni ni ni ni ti tu ti nu ni ti ni ni ni ni. Quando for mofana e já pedi pão, dá-se uma lambada, vem comer na mão. Dá-se uma lambada, vem comer na mão. Mais uma patada, vai-te embora cão. Dá-se-lhe a porrada, porque é mandrião. Dá-se-lhe a porrada, porque é mandrião. Ti-tu-ti-nu-ni, Lá pro fim do ano, quando já for moço, guarda-se o tutano, fica pele e osso. Guarda-se o tutano, fica pele e osso. Quando já for homem, chama-se tratante, dá-se-lhe aguardente, morre num instante. Dá-se-lhe aguardente, chama-se mainante. Voilà, Manuel Mendes qui a essayé et réussi avec difficulté à faire chanter les membres du Grémos et les personnes qui étaient présentes à cette soirée, qui nous a laissé un excellent souvenir. Et avant de passer aux questions, on va quand même laisser Alban tirer quelques leçons de la grève. On se rend compte avec le récit de cette grève finalement que dans une boîte locale à forte majorité de travailleurs immigrés, finalement ces travailleurs immigrés ont l'impression qu'ils ne sont pas présents. Et c'est ça qui est intéressant. Donc cette grève de 1974, on se demandait si elle avait apporté quelque chose de nouveau. Au niveau syndical et quant aux relations entre le gauchisme, etc., le syndicat certainement, mais quant aux travailleurs immigrés, finalement, ils sont évacués dans le monde. Et on ne les voit pas émerger à ce moment-là. La place concrète de ces travailleurs immigrés, elle est là, on sait qu'ils sont en des quêtes, on sait qu'il y a des bagarres, il y a des coups de couteau qui sont échangés, mais finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a un engagement effectif des travailleurs immigrés en tant que tels, en tant que travailleurs immigrés. Donc cela pose un problème de source déjà et un problème méthodologique. La place des travailleurs immigrés, c'est celle qu'on veut bien leur accorder en tant que catégorie construite et reconstruite sur le moment du conflit et par la suite. On peut se demander s'il n'est pas plus intéressant finalement de rechercher les individus acteurs plutôt que de mettre ensemble, sous une étiquette commune, un ensemble disparate dans les faits. Il y a des grévistes immigrés, des non-grévistes immigrés et des immigrés qui ont pu être et l'un et ou l'autre, et qui ont fini par prendre le travail ailleurs. Certains immigrés étaient des différents actifs durant cette grève, mais d'autres ne le sont pas. Ils ne semblent pas avoir dirigé le conflit, comme à Pénaria par exemple. Il n'y a pas d'organisation qui est propre aux travailleurs immigrés, comme à Pénaria par exemple. L'engagement des travailleurs est d'ailleurs pluriel et n'est pas forcément d'ordre politique. La catégorie engagement est elle aussi plurielle. Si on veut faire un synonyme d'engagement, un synonyme d'action, l'engagement est polymorphe, multidimensionnel. Si on veut dire que l'engagement c'est synonyme d'action militante, il restera dès lors le champ d'investigation et d'observation. Et aux ateliers différents, ce type d'engagement ne semble représenter que quelques travailleurs immigrés, et certainement pas une catégorie entière. Donc il faudrait peut-être plutôt réfléchir sur les formes de construction et de déconstruction des catégories. Quelle stratégie de la part des syndicats? Donc, Jean-Paul vient de parler de la CFDT, du cas de la CFDT, et pour ce qui est de la CGT, de la section de l'entreprise, de l'USTM ou l'UD, le but, à semble-t-il, était surtout de lutter contre les gauchistes, hein, et pas de prendre en compte les revendications propres à ces travailleurs OS, et encore moins de prendre en considération les travailleurs qui auraient pu être spécifiquement immigrés. Les revendications des travailleurs immigrés ou non passent au final au second plan. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de revendications, comme je l'ai dit, spécifiques aux travailleurs immigrés dans la boîte. Cette grève, elle s'inscrit davantage dans la séquence des années 70 de lutte contre les cadences, les qualifications, le classement, les primades, les conditions de travail des OS. Et donc, on est bien dans cette séquence encore où, dans les années 70, les grèves des travailleurs immigrés ne sont pas mises ou visibilisées comme telles en tant que travailleurs immigrés, comme ça sera le cas dans les années 80, à des fins notamment politiques. Et là, il y a tout un tas de travaux de chercheurs, notamment Lorpiti, qui ont mis en avant cette question de l'émergence d'une question du travailleur immigré, des grèves d'immigrés. Alors que pour les immigrés, comme pour les organisations syndicales jusque dans les années 70, on parlait de grève, tout simplement. Donc on était bien dans cette rhétorique, comme les intervenants l'ont dit tout à l'heure, où on était dans une approche en termes de classe ouvrière, et pas forcément entre catégories ouvrières. Voilà, je vous remercie. Alors pour terminer... de ce que vient de dire Alban et de ce que vous avez dit tous les deux au cours de cette intervention, plein de questions que j'aurais à te poser. Je vais essayer d'en poser quelques-unes quand même dans le peu de temps qu'il nous reste. D'abord, il y a dans ce conflit à la fois des aspects classiques, hein, les revendications autour des conditions de travail, bon, c'est presque consubstantiel à l'émergence du mouvement ouvrier. Et puis des questions, des revendications nouvelles, par exemple celle de l'augmentation uniforme Ça, c'est typique de l'après 68. Typique aussi de l'après 68, ce qui est évoqué, ce que tu as évoqué, toi, je crois, c'est le climat autour de l'usine. Alors, bon, si on vient au début du mouvement ouvrier, il y avait quelquefois des tensions entre les jaunes et les grévistes, mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est plutôt une compétition entre organisations pour exercer une certaine influence sur un segment de la classe ouvrière locale. Eh oui. Alors, quand même, pour être honnête, il faut dire que dans les sources que nous avons des sources CFDT, nous avons des sources DRG, et nous n'avons rien trouvé à la CGT sur cette grève-là. Bien. Alors, donc on a fait avec les sources qu'on avait, et je voudrais rajouter aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans les deux UD, aussi bien l'UD CGT qu'à l'UD CFDT, il y a soit une commission, soit à la CFDT des groupes ouvriers immigrés. Mais pour la CFDT, ce que je sais par Michel Zapata, c'est que le responsable de ces groupes immigrés a toujours été un ouvrier français. À la CGT, je sais qu'à un certain moment, c'était Michel Bouteille. Mais bon, je ne peux pas en dire plus. D'ailleurs, dans le débat, Salem Daes, qui travaillait dans une entreprise de transport de la région lyonnaise, dit bien que lui, il ne voulait pas entrer dans cette commission parce qu'il avait peur que ce soit justement étiqueté commission immigrée. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. Oui. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est clair que dans cette bataille, il y a quelque chose de très ambigu autour de la stratégie de la CFDT dans cette lutte. Il y a à la fois quelque chose de la recherche d'une alliance avec la CGT, et ça, c'est conforme avec la stratégie de la Fédération de la Métallurgie CFDT et de l'Union Régionale de la Métallurgie CFDT, qui, à cette époque-là, les deux fédérations et les deux unions régionales essayaient de se rapprocher pour mener des combats en commun. Et quelqu'un comme Franck Georgi, qui est le grand spécialiste de la CFDT actuellement en France, a pu dire que, en fait, peut-être qu'ils étaient engagés dans une voie comme celle suivie par les Italiens, qui était une voie de fusion, même entre les deux fédérations. Alors, moi, j'ai rencontré Henri Tronchon, mais longtemps après, et Henri Tronchon m'a dit « Oh non, là, vous allez trop loin ». Mais effectivement, chaque fois qu'on a pu faire l'unité d'action, on l'a faite et on a recherché à faire l'unité d'action. Bien. Mais quand même, je veux dire, de la part de la CFDT, donc au départ, je pense de la part d'Henri Weber, il n'est pas question de s'opposer à la CGT. Et en même temps, on a l'impression que dans le combat tel qu'il est se mène, il y a un certain moment où il s'oppose à la CGT parce qu'il veut que cette lutte aboutisse à la satisfaction des revendications. Mais on voit aussi quelque chose de l'ambiguïté de la CFDT à cette époque, de l'immédiat après 68, où les gens qui embêtent Henri Tronchon, c'est parfois, et il m'a cité des noms que je ne citerai pas ici, c'est parfois des délégués CFDT appartenant à des mouvements gauchistes et venant d'autres usines. Oui. Et voilà. Alors ça m'amène à une deuxième question, puisque Alban avait commencé sur le contexte national. J'aimerais y revenir. En 74, c'est l'année des élections présidentielles. Donc, au mois de mai, elle vient d'avoir lieu. Donc, on est juste au lendemain de l'élection de Pompidou. Par ailleurs, de Giscard d'Estaing, pardon. Par ailleurs, la mort de Pompidou, je pensais. Donc, l'élection de Giscard d'Estaing. Et par ailleurs, il y a eu 2 ans auparavant la signature du programme commun. Ouais. Donc, effectivement, quand on repense à cette période, la CGT et le Parti communiste qui semblent porter le programme commun plus que le PS, en tout cas, quand on relit la presse, c'est comme ça que la presse de droite le présente les choses, parce qu'on a un Parti communiste qui est hégémonique par rapport, encore à l'époque, par rapport au PS. Donc la CGT et le PC mettent en avant l'idée que l'union de la gauche au pouvoir, les satisfactions seront les revendications seront satisfaites. Il faut donc travailler dans ce sens-là, et on peut être tendance à mettre la pédale, le pied sur la pédale de frein pour les luttes, c'est en tout cas ce que disent les gauchistes. Alors la CFDT, elle a un discours plus ambigu, si on songe que quand même elle rejoint une partie de la CFDT, rejoint le PS la même année. Alors moi je suis pas sûr, mais je pense qu'on pourra en discuter. Ouais. Je suis pas sûr de ce que je dis à propos du PS. Je pense qu'à ce moment-là le PS est engagé à fond dans le programme commun, mais je dis bien c'est à discuter. Ça, mais par contre c'est pas le cas de la CFDT. Ouais. C'est pas le cas de la CFDT, et c'est en particulier pas le cas de la CFDT dans la Loire, puisque dans toutes les manifestations... Alors, c'est très drôle de regarder les fins de manifestations communes, parce que la CFDT ne perd jamais l'occasion de dire que la victoire de la gauche, eh ben, ça sera bien, mais à condition qu'elle soit accompagnée par des luttes, parce que ce qui permettra la transformation sociale, c'est les luttes des travailleurs. La CFDT, elle est à l'époque dans l'orientation du primat des luttes sociales. D'accord. Et c'est ça qui permettra la transformation, et c'est ça qui permettra le socialisme. D'accord. Et on a systématiquement deux discours contradictoires de la CGT à la CFDT et de la CFDT à la fin de chaque manifestation à l'époque. Une dernière question qui va nous amener peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'écrit Xavier Vignat dans son livre « Insubordination ouvrière ». La dénonciation, je cite, « la dénonciation presque rituelle dans les tracts des organisations maoïstes d'une partie de la maîtrise ne saurait masquer l'existence d'une xénophobie et d'un racisme proprement ouvrier ». Et la suite, « de fait, les organisations politiques et syndicales condamnent le racisme et la xénophobie. Cependant, les multiples campagnes qu'elles sont obligées d'engager à ce sujet prouvent la présence de la xénophobie chez les ouvriers. » Donc, à l'intérieur de ce conflit, est-ce que tu évoquais un peu la distance prise par les mensuels par rapport aux OS? Est-ce qu'il y a cette dimension? Est-ce qu'elle est masquée? Est-ce que, bon, il n'y a pas quelque chose qui s'accumule dont on ressent un peu les effets aujourd'hui dans la façon dont la classe... La population d'origine immigrée peut se sentir plus ou moins mise à l'écart. Mais il y a quand même héritage historique. Alors ça m'est très difficile de répondre à ça. Moi j'aurais envie de... Alors il y a eu autre chose que Xavier Vignat dit dans son bouquin et que moi j'ai retenu. Il dit que la guerre d'Algérie, oui, c'est à la fois, ça a été à la fois l'occasion... Je pense pour des militants CGT et CFDT d'agir pour la paix et pour l'indépendance de l'Algérie, mais ça a été aussi une source de xénophobie et de racisme, je ne sais plus quel mot il emploie, en France. Ouais. Bon. Alors, par rapport à cette grève, cette distance entre les mensuels et les grévistes immigrés est évidente dans le courant de la grève. Charles Weber, mais il parle même de connivence avec le patron. J'ai pas de source directe pour te répondre là-dessus. Mmh. J'ai pas d'expression de cette xénophobie dans le courant de cette grève. Donc je vais pas répondre à cette question. Merci Jean-Paul. Et puis on aura l'occasion d'y revenir puisqu'on va évoquer dans une prochaine émission, peut-être pas la prochaine, mais une prochaine émission, on parlera de l'intervention de Vincent Gay, qui lui a travaillé sur les immigrés dans les usines d'automobiles de la région parisienne. Quelques annonces pour le Grémos, un petit peu de musique d'abord. Oui, salut à vous. Non, on va peut-être terminer avec la musique. Voilà. Et une dernière proposition musicale justement issue de la soirée du 12 novembre dernier. Tout à fait. Simplement quelques rendez-vous, effectivement, agenda à proposer, oui, donc, avant l'émission mensuelle prochaine. Donc samedi 23 à la friterie, à partir de 17h30, Catherine Gauthier présentera son travail sur les cafés. Les cafés cosmopolitains. Les cafés cosmopolitains. Expo photographique avec Sandrine Binous, avec qui elle a l'habitude de travailler. Pour l'instant, c'est une installation et une sélection de photos réalisées pour le projet qui est proposée. Dans un premier temps, il y aura d'autres lieux encore d'accueil et d'exposition proposés d'ici le printemps prochain. En tout cas, en effet, première installation, c'est à la Friterie, rue Georges Dupré au 9, à partir de ce samedi 23 janvier jusqu'au 12 février prochain. Et puis, des temps festifs sont proposés. Ce sera le cas pour ce samedi, en quelque sorte, l'accrochage de cette expo, avec quelques images en avant-première finalement du film proposé, et puis une petite proposition surprise musicale également, qui aura lieu ce samedi après-midi. Tout cela intervient dans le cadre de Saint-Étienne Cosmopolitaine, on le rappelle, hein, l'expo toujours visible aux archives municipales. Les archives municipales. Et puis mardi, donc 26, à la Cinémathèque, à 14h30 et à 20h, donc le Grémos vous propose la projection du film de Thomas Roussillon, Les Petites Mains, autour de la lutte des Lejabis dit Saint-Jean, et on aura avec Jean-Paul et moi-même le plaisir d'interroger Thomas Roussillon, et ça fera donc l'objet aussi d'une émission du Grémos. Alors on peut le préciser parce qu'on peut inviter le public à participer. Absolument. Finalement d'abord aux séances, hein, en après-midi à partir de 14h30 et en soirée à partir de 20h. Des débats également s'en suivront, hein, après donc les projections, mais surtout enregistrement de l'émission de février prochain, de cette émission du 8-9-5 de duo avec le Grémos, sera enregistré donc mardi après-midi entre 17 et 18h. Ce sera l'occasion d'une grande interview auprès du réalisateur Thomas Roussillon. Puisque tu évoquais, Jean-Michel, ce mardi 26 janvier prochain, une info également qui devrait vous intéresser, même journée malheureusement, mais c'est en soirée de 20h à 22h, c'est l'Amicale laïque de Montieu. C'est une présentation débat, la mine aux mineurs de Montieu, une mine coopérative, sans mineurs, sans patron, de 1891 à 1909. Voilà, ça c'est une soirée spéciale qui a lieu donc mardi soir. L'entrée est gratuite. Mais notre ami Maurice va être partagé là. Ça va être difficile pour les fidèles du Grémos. Et puis juste actualité ouvrière, peut-être pour terminer très rapidement, c'est bien sûr les Goudières et les 8 de Goudières qui, voilà, on parle de finalement pénalisation aussi du mouvement, des mouvements de lutte. C'est le cas pour ces 8 de Goudière qui viennent de prendre de la prison ferme. Oui. Et il y a un grand élan de solidarité, mouvement citoyen assez formidable qui se met en place. Il y a une pétition effectivement en ligne pour exiger donc la justice pour ces 8 de Goudière. La CGT Goudière appelle même à la création de comités locaux dans différentes villes également, avec sans nul doute un rassemblement massif qui devrait avoir lieu à Amiens le jour de l'audience devant la cour d'appel. En tout cas, pour la pétition, vous tapez sur tout bon moteur de recherche change.org et Goudière, c'est l'appel des Goudières, où vous retrouverez cette pétition en ligne qui pour l'instant atteint les quasi 130 000 signatures et soutiens. Et voilà. On rappelle qu'il n'y a pas eu de prison ferme pour fait de grève depuis 1948. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, extrêmement grave. Un peu inédit. L'ancien président de la République disait que les grévistes étaient plus visibles. Désormais, ils sont visibles, mais en prison. Voilà, et puis on évoque encore une autre rencontre. C'est le réseau salarial de Saint-Étienne qui propose une conférence gesticulée. Ce sera le 5 février prochain, on anticipe un petit peu sur aussi les semaines à venir, avec Bernard Friot, Franck Laventure, Mathieu Prudhomme. C'est une grille de lecture finalement nouvelle des grandes conquêtes du mouvement ouvrier du XXe siècle. La sécurité sociale, bien sûr, le statut des fonctionnaires, la cotisation sociale, etc. Voilà, tout cela pour une nouvelle peut-être perspective émancipatrice, avec le salaire à vie, la propriété d'usage des entreprises, différents points posés pour cette conférence gesticulée. C'est le 5 février prochain et ça se passe à l'Amicale laïque de Tardy. Alors là, j'invite aussi à retrouver ici et là sur la toile, et notamment via les réseaux citoyens de Saint-Étienne, les infos en détail de cette soirée spéciale. C'est à partir de 18h pour un pot d'accueil et de restauration possible, avant la conférence gesticulée qui démarrera, elle, à partir de 19h30, la fin de soirée étant prévue à 22h30. Mais on peut aussi renvoyer sur le site du Grémos, grémos.l'autre.net, où on aura peut-être l'occasion, bien sûr, de renvoyer sur ces différents rendez-vous de ces jours et semaines à venir. Il est grand temps de terminer. Merci. Et on va se quitter avec justement la dernière proposition musicale du 12 novembre, avec cette fois on laisse le Portugal, et c'était un autre parcours donc migratoire présenté. Voilà, et on termine donc là-dessus. Au mois prochain, merci à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir. Cette chanson a pour titre Si Marita Rosa. Rose s'est mariée. Alors toutes les filles du village se sont mariées. Et moi qui suis belle, eh ben, je suis pas marié, j'ai envie de me marier. Il y a pas mal de chansons traditionnelles qui tournent autour de ce thème. Vini la primavera e menno lì su in giuri lo fuoco di l'amore l'umore m'adormò la cettissa si codono facendo discorsetti di quante cose belli che mi fanno suonare si marita rosa sarire pipinetta e io che sogno bella mi voglio maritare si marita rosa sarire pipinetta e io che sogno bella marita un'uncinetta tanti picciotti belli che passano di strada ma tutto una guardata alla me casa da certo sto desiderio distrugge la mia vita mi voglio fare zitta mi voglio marita si marita un rosa sarire pipinetta e io a sogno bella ti voglio marita si marita rosa sarire pipinetta e io a sogno bella marita un uncine la nottola io fatta la casa la io magari schietta non voglio stare la nozzo sogno già la colpe dei miei maci mi tenna ritirata ma ora la giornata paio di ca e di là si marita un rosa sarire pipinetta e io che sogno bella mi voglio marita si marita un rosa sarire pipinetta e io che sogno bella marita un'uncinetta.